Thank you. maintenant. Mais d'ailleurs, ça marchait avec le casque, non? Non. Ce qui marchait, c'est la batterie qui marche avec le casque. C'est tout. La batterie qui marche avec le casque. Ça sort là-dedans. La musique. Mais ça t'empêche pas de jouer? Bah si, je sais, mais pas le son. Bah si, tu l'entends là. Mais moi. Là, tu t'entends dans le casque. Oh, non. Bonjour. Ah bah si, là, tu t'entends dans le casque. Là. Quand tu tapes sur ta batterie. Non, c'est parce que faut que tu oses, parce que t'as plus de pêche. Ouais, attends. Vas-y. Ah si, oui, alors vas-y, attends, mais il joue ou pas, là? Bah, il jouait, là, mais t'as dû débrancher quelque chose, parce que là, il jouait, là. Non, ça a branché, il juste branché à mon fil, il n'est pas branché. Ah bah, c'est parce qu'il paraît qu'il joue pas, là. Bonjour, ça va?